real thing. Now it's wartime, this gangland. Ayy, money talk, so I make it rain. Street on my money, street on my money, the phone on my money. The beat that's my genius, man, no ever live me. Street on my money, the phone on my money. The beat that's my genius. Ayy. Si te falta algo, pásame la nota. Tengo un latino en hierba y un latino en coca. Estos palos malos, los de mala boca. Pa' las mamis que les gusta darle en pompa. Tengo un parisino que tiene una broca. Estoy fumando hash en una casa de droga. Me mudé pa' Francia con la ganga loca. Ey, en el 17 por si quieres bronca. Ey, with a gang posted on the block. Ey, I keep dirty, I don't give a fuck. Ey, fuck up all the men, I fuck up. Fuck 'em. Ey, scary faces when we pulling up. Yes, we let boss. I don't need to act tough. Mami, una rosa y una clock. De party con amor. Oh, my squad gang bang. Real streets on real thing. Now it's wartime, this gangland. Ayy, money talk, so I make it rain. Street on my money, street on my money. The phone on my money. The beat that's my genius, but no ever left me. Street on my money, the phone on my money. The beat that's my genius. The beat that's my genius. Pardon, j'ai commis trop de dégâts. C'est vrai que je commence à prendre le large. Mais je peux quand même te faire du détail. Je savais comme Jedi. Toujours le même depuis le départ. J'en avais raison, je leur mets mon doigt. Toujours pour le gang, j'ai fait mon choix. Je veux bien te voir, mais pas ce soir. Mais pas ce soir. Vite, vite, sur la liste d'attente. Je suis premier patient. Vite, vite, je roule un autre flip. Laisse-moi vivre ma vie. Oui, oui, je veux te faire ça vite. J'ai la pharmacie. Gang, gang, dans le train de vie. Dans le train de vie. Oh, my squad, gang, bang. Real streets on real thing. Now it's wartime, this gangland. Ayy, money talk, so I make it rain. Street on my money, street on my money.